t'emmène dans un pays aussi grand que ma vie entière. Viens, je t'emmène, viens si tu m'aimes, et nous vivrons heureux autant que tu le veux. L'année dernière, à cette heure-ci, je me faisais du souci. Mes amours étaient trop légères, mon cœur mordait la poussière. Je t'ai rêvé et puis je t'ai trouvé. Viens si tu m'aimes, viens je t'emmène dans un pays aussi grand que ma vie entière. Viens, je t'emmène, viens si tu m'aimes, et nous vivrons heureux autant que tu le veux. Je connais des petites criques, des Saint-Tropez, des tropiques, des promenades sans moteur au fond d'un bateau en douceur. Nous les ferons et puis nous nous perdrons. Viens si tu m'aimes, viens je t'emmène.